Comment veux-tu que je te dise les mots que je tisse pour toi, les sentiments qui me réduisent en un frêle chiffon de soie. Comment veux-tu que je t'écrive en lettres cursives ou en gras? Les heures vivées, elles se poursuivent, le temps se rythme dans tes bras. Des trois langues que je maîtrise, ton silence demeure ma voix. Quand de ta tendresse tu m'enlises, ton souffle murmure tout bas. Que je m'avise d'étouffer cette flamme en moi. Quand ton regard me fragilise en chatouillant tous mes émois, je me reformule à ta guise. Je t'aime dans tous tes éclats. Ma vie, tu sais, tu l'as conquise. Tout se meurt quand tu n'es plus là.